la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Ne plus prononcer un mot dans la langue des bourreaux, la langue allemande. Après la beauté du geste, la mort ou l'expérience de l'impensable, de la musique au silence, voici le pardon. Mais le pardon impossible, quatrième émission d'une série de cinq proposée en août 2003 par Raphaël Antoven. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, le pardon impossible. Vladimir Jankélévitch, le pardon impossible. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. À Vladimir Jankélévitch de comparer les Allemands à des chiens, il répond qu'en effet la comparaison est flatteuse pour les chiens, car les bergers allemands n'ont pas, dit-il, inventé les fours crématoires, ni fait des piqûres de phénol dans le cœur des petits-enfants. Voilà un homme, germanophone, pétri de culture allemande, spécialiste de Novalis et de Schelling, qui décide, en 1945, de ne plus prononcer un seul mot dans la langue des bourreaux. Bien sûr, on en retrouvera quelques-uns ici ou là, comme des lapsus ou des fautes de frappe. Mais Vladimir Jankélévitch, pour l'essentiel, n'a jamais flanché dans sa détestation. D'ailleurs, dans la bibliothèque de son appartement, quai aux fleurs, les philosophes et les musiciens allemands figurent en bonne place, tout en haut, sur la dernière étagère, hors de portée. Bref, pour Jankélévitch, non seulement on peut vivre sans Goethe, sans Heidegger et sans Wagner, mais en plus on vit mieux. Comment comprendre une telle haine dont les causes sont pourtant si évidentes? Et comment comprendre l'identification forcément abusive de tout un peuple aux atrocités commises par ses dirigeants? Faut-il voir dans cette abjuration, dans ce reniement, une forme assez subtile de la haine de soi? Car après tout, Mozart n'est pour rien dans la solution finale, et ce n'est pas la faute de Schubert si des orchestres l'interprétaient tandis qu'on pendait les détenus. Comment comprendre surtout que ce penseur athée du singulier, du détail, du presque rien, soit également le contempteur intransigeant d'une nation maudite. Dans Le Monde du 4 janvier 1965, Vladimir Jankélévitch publie un article resté justement célèbre et dans lequel il s'en prend au sophiste qui, dit-il, nous convite à l'oubli, au pardon, voire à la prescription de l'imprescriptible. À tous ceux qui, pour reprendre la belle expression de Jean Cassou, entendent écourter la mémoire, le philosophe répond en fustigeant les théoriciens de l'engagement qui n'ont pris aucun risque dans les combats de la résistance et dans la résistance en général. Il répond aussi en analysant la spécificité irréductible du phénomène antisémite, en déclarant enfin haut et fort qu'oublier ce crime gigantesque contre l'humanité serait un nouveau crime contre le genre humain. C'est pour évoquer cette dimension nécessaire et parfois manichéenne du penseur que je vous ai invité aujourd'hui, François Georges, dont le maître Jankélévitch eût aimé savoir que vous êtes spécialiste de la résistance et que vous dirigez notamment la collection Résistance, Liberté, Mémoire aux éditions du Félin. Frédéric Worms, qui n'est pas seulement spécialiste de Bergson, puisque vous avez écrit notamment deux articles importants sur le négationnisme et sur l'ouvrage de Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et enfin vous, Alain Le Guyadère, vous êtes philosophe, sociologue, maître de conférences à l'université d'Évry, mais surtout fin connaisseur de la morale de Jankélévitch. À cela, il faut ajouter les témoignages de Robert Maggiori, à qui Vladimir Jankélévitch avait dédié le « Je ne sais quoi » et le « Presque rien », de Jean Morel, philosophe et ami de Jankélévitch, d'Isabelle Jean, qui est la nièce du philosophe, de Jean-Pierre Renoir, enfin, héros de la Résistance, qui assista au cours de philosophie que Jankélévitch, paria de l'Université française, deux fois révoqué, donnait dans l'arrière-salle d'un café toulousain. Pas s'engager, c'est encore s'engager. Pascal avait déjà dit ça en parlant de ceux qui se soustraient au problème de l'au-delà, de Dieu, qui ne veulent pas prendre parti, ils sont ni pour ni contre, et donc ils sont contre. Et celui qui ne s'engage pas, qui ne veut pas s'engager, généralement est quelqu'un qui s'engage quand même tacitement, comme les abstentionnistes auxquels on fait appel pendant les élections, on leur dit, mais généralement en vain, votez parce que en ne votant pas vous faites le jeu de quelqu'un. Eh bien celui qui ne votant pas fait le jeu de quelqu'un, et quelquefois le fait exprès pour faire le jeu de quelqu'un, mais même s'il ne le fait pas exprès, prouve par là même que ce qui est vrai d'ailleurs des élections est vrai également dans la vie et dans l'éthique. Il vaut mieux s'engager en connaissance de cause et pour des causes qui en valent la peine. Maintenant, il faut dire aussi que c'est facile de s'engager quand on est déjà engagé. Tout à l'heure, vous faisiez une allusion au combat de la Résistance, à la Résistance en général, mais c'était une époque où il y avait des gens, dont j'étais, qui étaient déjà tout engagés par leurs origines, par le fait qu'ils étaient rejetés par la communauté nationale, qu'ils étaient comme des, non seulement des marginaux, mais des pestiférés, des hors-la-loi, et que, le voulant ou ne le voulant pas, bon gré mal gré, on était déjà engagé avant de s'engager. Et par conséquent, on a moins de mérite à coder des tracts, des papillons, et à faire des choses, à faire sauter des viaducs, lorsque, par essence, par origine et par définition, on est déjà engagé. Donc le mot engagement a surtout un sens quand on n'est pas obligé de le faire. Il ne demandait pas à ce que les gens soient des héros. Robert Maggiori. Il disait très bien, j'aurais pu peut-être ne jamais m'engager par peur, par trouille, par lâcheté. Mais ça c'est autre chose, on ne demande pas aux gens d'être des héros. Mais l'imposture, c'est-à-dire de se faire passer pour, est quelque chose qui lui était insupportable. Et comme de toute façon, on regrette quelque chose, quoi qu'on fasse, ça fait partie du problème de l'action politique, vous savez ça, et morale. Quoi qu'on fasse, on regrette quelque chose. On regrette de s'être engagé, de ne pas s'être engagé. On regrette d'avoir signé, de ne pas avoir signé. Eh bien, entre deux regrets, eh bien, je choisis le regret de ne pas signer, n'est-ce pas ? Je signe. Par exemple, dans les problèmes où l'action est très urgente, où le péril qu'on court est très grand, est mortel, vital, ce qui revient au même. Quand la France est envahie, piétinée par l'occupant, par des bêtes féroces, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, où on a guère le choix des moyens, que voulez-vous faire sauter un viaduc quand il passe un train, c'est une chose devant laquelle on n'hésiterait pas. Mentir n'est pas seulement une chose permise, mais c'est même un devoir. C'est le plus sacré des devoirs. Si je le crois, si je le dis, et si je le maintiens, je vous crois que je le dis. Et je le répète plus que jamais, puisque les nazis, après tout, sont des hommes que par hasard, n'est-ce pas ? Et leur dire, leur mentir, mentir à un nazi, ce n'est pas mentir, c'est dire la vérité. Ce qui est frappant, c'est que dans toute cette philosophie morale, c'est une philosophie, au fond, Frédéric Worms, de l'hésitation, de la subtilité, comme il le dit à un moment, quoi qu'on fasse, on regrette. Et donc, dès avant la guerre, dans son livre sur la mauvaise conscience, il y avait déjà cette sorte d'attention au mouvement de conscience, à la subtilité, aux amphibologies, aux ambiguïtés de la conscience. Mais là, il n'y a par contre aucune ambiguïté. Et il ne s'agit pas d'opposer des hommes qui font le mal à des surhommes qui résistent. Il s'agit au contraire d'opposer quelque chose qu'il fait descendre assez brutalement en dessous de l'humanité quand il dit là, les nazis ne sont des hommes que par hasard, c'est quand même d'une violence terrible. Les catégories morales ici ne valent plus. Tout ce qui est subtilité morale ne vaut plus, on en reparlera sûrement à propos du pardon. Et inversement, ceux qui résistent ne sont que des hommes. Il s'agit là de courage simple, il s'agit de maintenir au fond tout simplement les valeurs de la morale sans les hésitations de la morale. Et les hésitations de l'engagement tout à coup sont dévalorisées, c'est-à-dire ce qui faisait au fond pour Jankélévitch comme pour Sartre ou pour Merleau-Ponty, le prix de la liberté, les hésitations, les valeurs. Et il a été, lui aussi, d'une certaine manière, un philosophe de la liberté. Eh bien, tout à coup, il devient, dans cet ordre-là, un philosophe de la nécessité. Donc, il y a une sorte d'ordre nouveau qui apparaît dans son discours avec la guerre, un ordre de grandeur différent, un saut qualitatif. Et je crois que c'est de ça qu'il faut discuter. Est-ce qu'il y a, quelque part, dans l'histoire ou dans l'expérience, des sauts qualitatifs tels que même le philosophe de la morale, parmi les philosophes de la morale, est obligé de sauter, lui aussi, par-dessus. C'est presque un saut kierkegaardien, on pourrait dire, au-delà de l'éthique. Donc un saut qualitatif qui le fait passer du bien et du mal à une autre dichotomie, qui est celle de l'humain et de l'inhumain, Alain Le Guyer. Oui. Je suis pas très sûr de la cohérence de Jean Kelevitch, et j'ajouterais c'est tant mieux, parce que j'ai vraiment le sentiment que toute sa philosophie morale proteste contre ses positions, non pas ses positions politiques en général, loin de là, mais contre ses positions en ce qui concerne l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'il a des phrases extrêmement dures et à mes yeux totalement inacceptables en ce qui concerne ces humains que sont aussi les nazis, comme il le dit d'ailleurs hein, dans des pages où il parle pas explicitement des nazis, mais de tout être humain, les ennemis en général, mais en même temps, il l'assume comme une position morale. C'est-à-dire que je le comprends, moi, dans une situation historique où, pour lui, l'enjeu, c'est la mémoire, c'est la transmission, et c'est dans cette perspective qu'il assume une position complètement hyperbolique, c'est-à-dire que, contre l'évidence, il faut maintenir ouvert ce qui menace d'être refermé. C'est une position morale et qu'on pourrait déchiffrer également comme des moments de sa philosophie morale. Mais le dernier mot de sa philosophie morale n'est sûrement pas la position que lui a adoptée. Et en même temps, il l'adopte. Et ça, c'est d'un courage intellectuel tout à fait remarquable, parce qu'il était seul, en fait. Faut pas l'oublier. Donc il y a un défaut de cohérence que vous notez donc. Pas un défaut, c'est-à-dire que c'est pas un défaut au sens où il aurait manqué quelque chose. Le mot qui convient le mieux, parce que ça traverse toute sa philosophie, y compris sa position universitaire qu'il est si peu, c'est le mot paradoxe. C'est-à-dire qu'il assume là un paradoxe qui est « je ne pardonnerai pas, même si, au fond, quelque part, je devrais le faire conformément à ma philosophie ». Mais en même temps, dans un article intitulé « Comment meurt un logicien » publié dans les Nouvelles littéraires du 10 mai 1982, Cavaillès. Bien sûr, Cavaillès, Vladimir Jankélévitch donc rend hommage à Jean Cavaillès, fusillé pendant la guerre en 1943, et il dit notamment « Il est philosophe en tant que combattant, combattant en tant que philosophe, c'est sa pensée elle-même qui est une action ». Il y a là, effectivement, l'incohérence, entre guillemets, que vous notiez, mais aussi une autre forme de cohérence, qui est cette cohérence bergsonienne de l'homme qui agit en homme de pensée et pense en homme d'action. Oui. Encore une fois, un paradoxe, pas une incohérence au sens... Mais Jean Kelevitch est un philosophe de l'action. Il ne cesse de le rappeler, hein, partout. N'est-ce pas ? Ce qui prime, ce qui définit l'homme, c'est au fond l'agir. Hein. Et ce qu'il reproche, au fond, au philosophe de l'engagement... c'est de ne pas s'être engagé au moment où il le fallait. Et c'est probablement aussi une question à la fois politique et philosophique, parce que ça pose la question du sens même d'un écrit philosophique. Qu'est-ce qu'une philosophie de la liberté qui ne prend pas le parti de la liberté au moment où il faut précisément agir pour la liberté ? Il disait aussi on n'a pas besoin d'une philosophie spéciale pour descendre dans la rue, Frédéric Worms. Oui, mais je voudrais revenir sur l'exemple de Cavaillès, qui est très significatif, y compris le titre, « Comment meurt un logicien ». C'est d'une certaine manière la reconnaissance que ce logicien qui développe donc une philosophie qui n'a rien à voir avec le thème de la liberté, ni le problème de la liberté, qui même défendait une philosophie de la nécessité. Cavaillès est non seulement logicien, mais philosophe des mathématiques et d'une philosophie radicale de la nécessité radicale. Et Jean Kelevitch fait écho ici à Canguilhem, hein, disant de Jean Cavaillès qu'il a été résistant par logique. Eh bien, quand Jean Kelevitch dit ça, au fond, une fois encore, il va contre sa philosophie. Il montre une cohérence, mais dans une philosophie opposée à la sienne. C'est un philosophe de la nécessité et non pas de la liberté, de la science et non pas de la morale, qui s'est engagé d'une manière nécessaire et rigoureuse jusqu'à la mort. Et donc, d'une certaine manière, lui, il est bien non seulement dans le paradoxe, mais aussi dans une forme de contradiction, parce que, en tant que philosophe, il reste du côté des hésitations de la conscience, il reste du côté du pardon, du regret, du remords, il reste du côté de toute l'intention qui fait le sérieux de la vie morale et de l'humain. Il n'est pas logicien. Il se révoltera aussi contre la logique. Et donc, comment concilier une révolte philosophique contre la logique et une révolte logique contre le mal ? C'est tout son problème et toute sa contradiction qui fait, je crois aussi, cette contradiction délibérément non résolue, délibérément portée à l'excès, délibérément portée jusqu'à l'indignation, l'auto-indignation, qui fait sa force, incontestablement. Est-ce qu'on n'entend pas dans ces paroles de Jean Kelevitch une définition pure de la morale comme... indexé d'abord sur les passions et non pas sur le devoir de façon abstraite, mais également comme pure capacité de dire non, de refuser. Oui, enfin, ça exprime aussi sa philosophie morale. Il y a un impératif catégorique chez Jean Kelevitch, c'est l'amour. Bon, ça c'est très clair. Et la deuxième chose qui nous ramène un petit peu à la question de l'engagement, c'est qu'il y a un désaccord, non pas seulement politique, hein, dans le cadre de la résistance avec des philosophes comme Sartre ou Merleau-Ponty, indépendamment du caractère fondé ou non des propos qui ont été rapportés de Jean Kelevitch sur cette période et sur ces philosophes. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il a reproché à Sartre et Merleau-Ponty de n'avoir pas été tout simplement des résistants. Oui, bon, effectivement, enfin, c'est résister, ça veut dire aussi prendre le risque de la mort. Et il explique ça aussi très bien dans sa philosophie morale. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il y a un rapport entre l'amour et la mort dans la résistance, bon, c'est très clair. L'amour de l'autre, hein, dans sa singularité. Mais je voudrais soigner une conception très différente de l'engagement entre Jean Kelevitch et par exemple le courant phénoménologique représenté par Sartre. Hein, on connaît la célèbre conférence de Sartre sur l'intentionnalité, n'est-ce pas, où Sartre dit, n'est-ce pas, toute conscience est conscience de quelque chose. Ça, c'est une formule que ne peut pas prononcer Jean Kelevitch, tout simplement parce que pour lui, il parle de cogito moral, hein, dans sa traité des vertus, il y a un noyau axiologique irréductible qui est premier dans toute conscience. Hein. Donc une conscience qui ne se détermine pas par rapport au bien ou au mal, pour parler rapidement comme il le fait lui-même, c'est une conscience, c'est une fausse conscience, c'est une conscience qui se nie elle-même. On pourrait quasiment reprendre les articles de Sartre sur la mauvaise foi pour montrer que une analyse de la conscience qui ne soit pas d'abord axiologique est une analyse au fond de mauvaise foi, quoi. Tout de même, il est très sartrien quand il dit « nous sommes engagés ». Inversement, vous savez, la source commune de tous ces philosophes, y compris de Sartre, c'est Bergson. C'est Bergson. Oui. Mais alors, précisément, il dit en gros « nous sommes engagés, que nous nous engagions ou non ». Pascal disait « vous êtes embarqué, que vous le vouliez ou pas, dans la vie ». Sartre disait « nous sommes condamnés à être libres ». Jean Kelevitch, en un sens, prolonge là une tradition presque existentialiste. On ne peut pas être hors du jeu, François-Georges. Oui, alors là, on entre dans un domaine polémique, mais qui au fond appartient à l'histoire. Un philosophe n'est pas spécialement un philosophe de l'engagement, c'est Cavaillès. Et Georges Canguilhem a résumé la position de Cavaillès en une formule très simple. La lutte contre l'inacceptable était inévitable. Voilà sur quelle base donc Cavaillès entre en résistance et Jean Kelevitch multipliera sur un ton assez amer, il faut bien dire, les sarcasmes sur ceux qui s'engagent à s'engager, qui ne s'engagent pas, et qui ne se sont notamment pas engagés au moment où il fallait le faire. Cela étant, c'est pas des gens nés bien après ces épreuves terribles de donner des leçons. Simplement, là où on peut quand même comprendre la colère, l'indignation de Jean Kelevitch, c'est sur deux points. Quand les professeurs juifs ont été révoqués, la protestation a été faible, alors qu'une protestation forte pouvait s'exprimer sans grand risque. Je ne parle pas donc de s'engager à poser des bombes, etc. Bon, hein. Là, simplement, s'opposer fermement à la décision scélérate du gouvernement de Vichy. Et puis après, finalement, la grande déception de Jean Kelevitch, ça a été de constater que tout le monde avait envie de tourner la page. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, parce qu'évidemment, il y a eu cet incident au moment de sa disparition, mais c'est que en 48, dans les temps modernes, 48, je sais plus, enfin, après la guerre, dans les temps modernes dirigés par Sartre et Merleau-Ponty, Jean Kelevitch publie un texte très dur, où il explique comment lui-même, il est reclus, traqué, clandestin, et aussi résistant d'ailleurs, et nous apprenions avec stupéfaction que Paris a fait ses événements littéraires, son théâtre, ces garçons de café hegéliens. Mais ça, c'est une flèche qui vise absolument Sartre. Hein. C'est le fameux passage, genre, très brillant dans L'être et le néant. Le garçon de café, qui est-ce qu'il est, qui n'est pas ce qu'il n'est pas. Enfin bon. Et ça, ça paraît dans les temps modernes. Donc Sartre et Merleau-Ponty ont dû penser, bah oui, il a de quoi protester. L'incident auquel vous faites référence, c'est au moment de l'enterrement de Jankélévitch, quand Robert Maggiori a publié un entretien qu'il a eu avec Vladimir Jankélévitch sur notamment la question de la résistance, et dans lequel Jankélévitch reprochait à Sartre et à Merleau-Ponty justement d'avoir été les théoriciens de l'engagement à défaut d'avoir été les praticiens. Alors il faisait d'ailleurs la différence entre Sartre et Merleau-Ponty. Il était très ami de Merleau-Ponty puisqu'il lui avait laissé son appartement du Quai aux Fleurs. Et bon, il semble là qu'il y ait une déception d'amitié, des malentendus. Le cas de Sartre est assez spécial parce que il est certain que Sartre a eu incontestablement plus que des velléités d'engagement. Mais on voulait pas de lui parce que on se méfiait beaucoup. Je pense qu'un type, un grand professionnel, finalement, si je peux dire, de la résistance comme Cavaillès, ne voulait pas embaucher un type comme Sartre en disant, bon, celui-là, bon, il va être difficile de le passer, de le laisser passer inaperçu, bon. Mais, vous voyez, surtout cette protestation de Jankélévitch, elle porte pas tellement, bon, après tout, qu'un type ne soit pas très compétent pour faire de la résistance armée, et que bon, qu'il ait la trouille de aussi de pas tenir le choc. Bon, mais c'est surtout après. Et vous voyez, par exemple, dans cet article, il est presque sans exemple que tant de souffrances aient si peu modifié le destin des hommes, que des convulsions si gigantesques aient accouché d'une après-guerre si médiocre. Non, ce n'est pas à l'échelle. Tel est le sens de la colère, etc. Bon, voilà. Alors, ce qui est incontestable, c'est que pendant la guerre, Vladimir Jankélévitch, lui, non seulement a été résistant, mais par ailleurs, il a travaillé beaucoup, il a écrit énormément, et il a notamment travaillé à la rédaction du Traité des Vertus. Mais outre cela, il a écrit un pamphlet publié sous le pseudonyme d'André Dumez et intitulé « Psychoanalyse de l'antisémitisme » qui figure dans une brochure « Le mensonge raciste » publié en 1943 par le Mouvement national contre le racisme. Oui, alors là, je voudrais dire une chose. Il faut toujours rappeler, il faudra en parler un petit peu, du père de Vladimir, Samuel. Car Samuel Jankélévitch est un introducteur de la psychanalyse en France, c'est le premier ou un des premiers traducteurs de Freud, en France. Oui. Et Vladimir n'est pas tellement porté sur la psychanalyse. Mais la seule fois, parce que la chose est tellement énorme qu'il recouvre vraiment la psychanalyse, c'est dans le cas du nazisme. Ou d'ailleurs, ce qu'il dit est assez pertinent. Je voulais dire une chose, c'est que bon, Vladimir Jankélévitch, lui-même, ne se vantait pas de ses idées de résistance. Lui aussi, c'était un pur intellectuel, un peu comme Sartre. On lui a jamais confié des tâches militairement difficiles. Son beau-frère Jean Cassou, qui lui était le chef militaire de la région sud-ouest, ne pensait pas que Vladimir était capable d'être vraiment un homme d'action. Mais Jankélévitch tient quand même à être là, à être dans ce combat, et à faire les petites choses qu'il peut faire, qu'on lui demande, à tout risque. Il a refusé l'arianisation d'honneur qu'on lui avait proposé, mais en termes cinglants. Là, il y a cette phrase « Je ne saurais me faire pardonner ce qui, d'aucune manière, ne saurait m'être reproché. » Donc, il refuse cette organisation qui lui aurait simplifié les choses. Il refuse de passer aux États-Unis. Il veut rester, comme il me disait, au fond du bocal, en protégeant aussi ses parents à Toulouse. Et, en faisant ce qu'il peut, mais c'était tout à fait dangereux. Il racontait aussi comment, une fois, la place du Capitole était bloquée à Toulouse. Et il se dit, bon, ben, cette fois-ci, je vais être arrêté. Et il y a un type qui comprend un peu sa situation, qui l'oriente vers une sortie de la place qui était contrôlée par des policiers qui étaient acquis à la résistance. Alors, pourquoi était-il place du Capitole? Bien justement parce que Jankélévitch, pendant la guerre, deux fois révoqué de l'université, puisque ses parents étaient étrangers et que lui-même était juif, Jankélévitch a continué d'exercer son métier dans des conditions très difficiles. C'était le cours de celui qu'on appelait le paria, un cours adressé à des élèves de 18 ans, dont beaucoup d'ailleurs sont morts ensuite dans les maquis, au combat. Et alors je vous propose d'écouter maintenant, entre autres, le témoignage de Jean-Pierre Renoir, résistant héroïque, auteur d'un ouvrage intitulé « Un costume rayé d'enfer » et qui a assisté au cours que Jankélévitch donnait à Toulouse. J'avais un camarade de classe qui s'appelait Job. Je ne sais pas comment il connaissait Jankélévitch, et un jour, il m'a amené à Toulouse, dans un café sur la place du Capitole, pour écouter Yankelevitch. Et ça a été une révélation pour moi, parce que cet homme était d'abord très jeune, deuxièmement, il était totalement tragique, il était mince, il était beau, il était désemparé, il était debout derrière une chaise, et il nous parlait de la mort. Il en a parlé pendant des semaines. Je ne me souviens pas si c'était plusieurs fois par semaine que nous allions dans ce café de Toulouse, ou seulement une fois par semaine. En tout cas, chaque fois, c'était une expérience extraordinaire, parce que c'était un grand. Il était très éloquent. Le sujet était vraiment presque d'actualité, étant donné les ravages que faisaient les Allemands. Et c'était absolument tragique de voir cet homme seul, réduit à une condition misérable, qui attendait qu'on passe une soucoupe avec des pièces de 10 francs dedans pour pouvoir se nourrir le soir. C'était quelque chose de tragique. Et c'était aussi quelque chose de très beau, parce que d'abord il était beau, et deuxièmement ce qu'il disait était magnifique. Et il était terriblement blessé. Et donc il refusait de prendre un pot, par exemple, ce genre de choses. Il s'en allait. Il était d'une tristesse épouvantable. Et il m'a laissé un souvenir impérissable. Après ça, je suis parti de Toulouse à la fin du dernier trimestre. C'était le novembre 41. Je pense que la véritable morale, à ce moment-là, elle ne se faisait pas en écrivant des livres. Elle se faisait ailleurs, dans les maquis. Je n'avais plus d'emploi et plus de fonction. J'étais révoqué, même deux fois révoqué, deux fois de suite, par des lois d'exception. Elles me concernaient toutes, à raison de mes origines. Alors, j'avais donc des loisirs. Françoise Schwab. C'est dans cette arrière-salle, place du Capitole, qu'il a commencé à enseigner la mort. Dans cette arrière-salle du Capitole, où il avait besoin de travailler, effectivement. Mais je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre le sujet philosophique qu'il traitait devant ses étudiants et la vie au dehors. Je pense que là, il faisait la différence. Ce n'était pas par hasard qu'il avait choisi ce sujet, la mort, puisque depuis longtemps, déjà à la fin de ses années d'études, il pensait écrire un livre sur ce sujet, influencé en cela par Simmel et par Chestov. Mais la coïncidence est troublante. Frédéric Worms, François-Georges disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas dire que Jankelevitch avait été un résistant militaire actif, qu'il était intervenu, qu'il avait fait dérailler les trains, etc. Mais est-ce que finalement, pour un professeur de philosophie, la meilleure façon de résister et d'être cohérent ou fidèle à lui-même, ça n'est pas justement de continuer, de persévérer dans l'enseignement ? C'est-à-dire à la fois persévérer dans l'enseignement, et là ce témoignage est très émouvant, et il fait aussi penser à une autre figure qui s'est trouvée dans la même situation que Jankelevitch, à savoir Jean Val, qui était professeur à la Sorbonne, et qui après sa destitution a continué à faire cours dans une chambre, je crois, qui faisait face à la Sorbonne. Il avait une petite chambre pleine de livres par terre, et il faisait face, donc face à son ancienne université, et c'était là une sorte d'ironie, de défi aussi, et il a lui-même été arrêté, puis il a dû s'évader et partir aux États-Unis. Mais dis juste que Jean Val est un grand ami de Jankelevitch. Bien sûr, oui, c'était des figures extrêmement proches d'eux, d'ailleurs héritiers directs spirituellement de Bergson, et ils ont eu des destins au fond assez proches, y compris dans l'oubli qui les frappe l'un et l'autre aujourd'hui, aussi dans leurs revendications métaphysiques, puisque la même année environ, l'un publie un traité de métaphysique, c'est Jean Val, et Jankelevitch publie sa philosophie première. Ils ont porté haut, d'une certaine manière, une certaine façon de mêler métaphysique et morale, sans le dire d'une manière discrète, et là il y a quelque chose qui effectivement les lie. Ils ont chacun écrit un article au même moment, d'ailleurs, sur le livre de l'autre. Enfin, ils se sont rendus hommage à de nombreuses reprises. Mais là, il faut donc continuer la philosophie, mais il faut en même temps lui faire violence de l'intérieur. Et on a l'impression que ce qu'il reproche à Sartre et Merleau-Ponty, c'est de n'avoir pas compris que cette guerre était plus qu'une guerre, qu'elle mettait en cause non pas seulement les Allemands et les Français ou quelques intérêts économiques ou politiques que ce soit, mais qu'elle mettait en cause l'essence même de l'homme, et donc qu'elle aurait dû mettre en question leur philosophie de l'intérieur. Et je crois que on peut reprocher à Jankélévitch, comme à toute personne qui voudrait faire ça, de lier l'engagement d'un homme et sa pensée. C'est-à-dire de dire, voilà, la logique mène à la résistance, la phénoménologie mène à la lâcheté. Je crois que ça, c'est une vraie erreur. Il y a eu sûrement des logiciens collaborateurs ou en tout cas indifférents. Et il y a eu des phénoménologues ou des philosophes de la liberté qui sont morts dans les camps et sans être, comme dit Canguilhem pudiquement, directement concernés, c'est-à-dire comme par leurs origines. Par exemple. Comme Edith Stein, ou il y en a beaucoup, des existentialistes. C'est l'adjoint de Cavaillet, c'était Jean Gosset qui travaillait à la revue Esprit. Enfin bon, donc on ne peut pas faire ce lien que fait Jankélévitch. Mais s'il le fait, s'il tombe dans cet excès, parce qu'un philosophe de l'excès, il me semble sur ce point, mais de l'excès délibéré, comme quand il dit que on ne peut plus jouer Schubert, on ne peut plus jouer Mozart, on ne peut plus. Bon. Il y a un excès délibéré qui, à mon avis, veut montrer que cette guerre était plus qu'une guerre, que ces événements étaient plus que des événements d'ordre militaire ou politique, et qu'ils mettent en cause vraiment l'essence de l'homme, l'essence de la culture. Il y va non seulement de la culture allemande, mais de la culture tout court, non seulement de l'humanité des nazis, mais de l'humanité tout court, et donc un philosophe a une responsabilité particulière, et celui qui ne bouleverse de l'intérieur ni son comportement, ni sa pensée, ne peut plus être appelé philosophe. Tragique, mince, beau, triste, désemparé. C'est les photos qu'on voit de lui à Cerisy. Hein. On le voit comme ça déjà avant la guerre. Vladimir Jankélévitch, avec cette mèche dostoïevskienne, il a le visage de la pensée quand les loups la piétinent. Le philosophe est un paria à ce moment-là. Je suis tenté une seconde, vous parliez de Merleau-Ponty, de Sartre, de Jean Val. Je suis tenté de faire un parallèle, François-Georges, avec Raymond Aron. Puisqu'après tout, les deux juifs, en l'occurrence, sont révoqués de l'université à ce titre. L'un est à Londres, l'autre est à Toulouse. Mais l'un et l'autre continuent d'écrire et de penser, tout en se disant, je crois, me semble-t-il, que les vrais résistants, finalement, sont ceux qui prennent les armes. Oui, et d'ailleurs, Raymond Aron aurait bien voulu prendre les armes, mais on lui dit à Londres, Raymond, tu seras plus utile en écrivant. Bon, et il est resté donc à Londres, mais non sans regret, mais dans une position un peu comme celle de Jankélévitch. On considère que Jankélévitch n'est pas spécialement doué pour l'action. Et je vous dis, en même temps, il est toujours prêt pour accomplir les tâches, peut-être subalternes, qu'on lui confie. Mais je voulais répondre là à Frédéric Worms sur la question de Schubert. Parce que je pourrais vous opposer le témoignage d'une pianiste, Michel Charapan, qui aime beaucoup Schubert. Eh bien, Jankélévitch aimait beaucoup Michel Charapan. Il aimait Schubert, bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est pas qu'il devait une passion pour Schubert, mais en tout cas, il n'embêtait pas Michel Charapan. Mais le problème, c'est que Jankélévitch avait en tête quelque chose de très précis, c'était qu'il est arrivé que dans les camps, on joue du Schubert. Et que donc, pour lui, aussitôt, s'il y avait Schubert, il y avait cette image qui surgissait et qui, pour lui, obliterait tout le reste. Oui, je crois que c'est cette remarque qui nous ramène un petit peu les pieds sur terre. Je veux dire, par là, c'était à l'homme Jankélévitch. Parce qu'il y a les positions philosophiques de Jankélévitch, et c'est vrai que ça, il y a une cassure au moment de la guerre, et puis il y a aussi les réactions viscérales de l'homme qu'il affichait sur la place publique et dont il n'avait pas du tout l'intention de justifier ultimement sur le fond. Et ça, c'est une dimension. Je crois que c'est un droit moral aussi d'afficher des émotions, des affects, des refus qui ne procèdent pas d'une grande construction philosophique. Non, mais je ne vais pas faire un mauvais procès à ce pauvre Schubert. Mais enfin, c'est vrai que les nazis, non seulement ils ne faisaient pas jouer Chopin, mais ils l'avaient interdit. Parce que la musique de Chopin est de toute évidence un message de liberté, de la revendication de liberté. Vous trouvez Chopin revendicatif, François-Georges? Eh bien oui, il y a l'étude révolutionnaire. Chopin, c'est un chant de protestation, que c'est la formule de Schumann. Le russe devrait se méfier, ce sont des canons cachés sous des fleurs. Vous évoquez par exemple Jean Gosset, etc. Et ça, c'était un grand problème de Jankélévitch. Et puis il était le seul à en parler. Écoutez, moi, je le dis très franchement, j'ai bien connu Sartre. Je dois dire que dans le milieu sartrien, je n'entendais pas parler de ses amis morts pendant la guerre. Tandis que Jankélévitch, lui, il nous en parlait. Je lis, par exemple, dans un discours qu'il a fait pour le 20e anniversaire de Libération, il cite François Cousin, il cite Jean Cavaillès, Albert Lautmann, Pierre Brossolette, Jacques Decour, Georges Politzer, Valentin Feldman, Boris Vildé. Il serait aujourd'hui l'illustration de la pensée et de la science française. Et continue, qui défendra ses martyrs, ses fusillés? Et aussi une très très belle formule à la fin, le lac obscur qui a englouti tant de vies précieuses. Thank you. Ce qui est dérisoire, mais au sens métaphysique du mot dérision, c'est que l'idée a besoin de la force physique, n'est-ce pas ? De la violence et même du sang pour triompher. Elle ne devrait pas en avoir besoin, mais comme elle en a besoin, eh bien il faudra peut-être remplir, faire couler le sang, n'est-ce pas ? Si vous avez un Allemand dans votre ligne de mire à la guerre et que vous ne tirez pas dessus, alors okay, comment faut-il appeler ça ? De la complicité ? Vous le faites exprès alors ? Vous n'avez pas le droit de l'épargner. Et ainsi, l'extermination des Juifs est le produit de la méchanceté pure et de la méchanceté ontologique. De la méchanceté la plus diabolique et la plus gratuite que l'histoire ait connue. Ce crime n'est pas motivé, même par des motifs crapuleux. Ce crime contre nature, ce crime immotivé, ce crime exorbitant, est donc à la lettre un crime métaphysique. Et les criminels de ce crime ne sont pas de simples fanatiques, ni seulement des doctrinaires aveugles, ni seulement d'abominables dogmatiques. Ce sont, au sens propre du mot, des monstres. Il s'est passé là, effectivement, un événement exceptionnel. Isabelle Jean. Unique, imprescriptible, et quelles que soient les horreurs dont le monde est plein, bon, c'est d'accord, là, il y a un phénomène particulier qu'il faut étudier de façon particulière. Ça, ça c'est vrai, mais ça c'est vrai de tous les grands phénomènes historiques. Maintenant, bon, alors, étendre ça à « tu seras maudit jusqu'à la 5e génération, jusqu'à la 70e génération, l'Allemagne est rayée », bon, tout ça, je ne me l'explique pas. Ça me paraît d'une totale absurdité. Je ne vois pas très bien... d'où ça provient, si ce n'est de son tempérament particulièrement passionnel et un peu manichéen quand même. En plus contradictoire avec sa pensée qui est fluide, ductile, bon, qui admet tout à fait la contradiction, en tout cas la controverse. Alors, bon, je ne sais pas, mais qui n'exclut pas la passion. Alors, je crois qu'il a passionnément aimé l'Allemagne, enfin le monde germanique. Il a été, il a fait sa première thèse, si je ne m'abuse, sur Schelling, et il était complètement gonflé de cette culture, qui était d'ailleurs celle de son père, pour lequel il avait la plus grande vénération, et... il a renié ça avec violence et s'est rejeté sous toutes sortes d'influences, y compris d'influences très intimes et très proches, du côté du monde latin. Est-ce que c'est de la haine ? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une germanophobie. Vous le savez très bien que Jankélévitch est très germanophile par sa formation, par la langue, par ses attaches germanophones en plus. Par ses attaches à un certain nombre de penseurs, c'était Schelling ou des gens comme ça. Jankélévitch, ensuite, ayant un père qui est le traducteur de Freud, qui a traduit des textes de l'allemand, Hegel, a été nourri dans la langue allemande. Lui dit qu'il a ensuite effacé de sa chair la langue allemande. Moi, je vois plutôt une espèce de... C'est de la haine de soi, parce qu'il y a une partie de lui qui est ça, quand même, qui est ce monde-là. Et c'est ça, moi, que je ne comprends pas. C'est qu'il s'est infligé à lui-même une blessure, une soustraction, il n'a plus jamais prononcé un mot d'allemand alors qu'il le parlait fort bien. Il n'a plus jamais voulu avoir le moindre contact avec l'Allemagne, avec les Allemands, avec la culture allemande, avec le passé de l'Allemagne, enfin, tout ça est absolument fou quand même. On peut considérer que l'homme est fait de mots quand même. C'est comme l'arbre, il est fait de bois. Et que parler allemand, c'est pas rien. Ça veut dire appartenir, effectivement, se faire allemand. Et Jankélévitch a voulu se défaire de tout ce qu'il pouvait porter d'allemand. Manière pour lui de se défaire de ce que les Allemands, effectivement, avaient fait. Et par conséquent, après la révélation, l'éclatante et troublante et extraordinaire révélation du génocide, Jankélévitch a voulu ne pas vouloir qu'un seul mot allemand sorte de sa bouche, quoi, comme si c'était une manière de participer. Il y en a quelques-uns pourtant. Il y en a quelques-uns, mais si vous regardez bien les livres, ils ne citent plus. Il y a une vraie coupure, ils ne citent plus les concepts allemands, entre parenthèses, etc. Et donc c'était pour lui une façon de départiciper à cette entreprise. Si il n'y avait pas eu Hitler et l'antisémitisme, c'était un philosophe français comme Descartes. Il n'y avait pas de problème. Je veux dire, la famille n'était pas religieuse. Il était né à Bourges. Il était complètement fondu dans la société française. Et malgré ce nom interminable, que d'ailleurs mon grand-père voulait couper, et on l'appelait familièrement Jeanquet. Jeanquet, c'était comme Jacquet. C'était un Français d'origine étrangère, comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'intellectuels français. Et puis voilà tout. Et il était... Il n'y a pas plus français dans la langue, dans le discours, dans la pensée. Enfin, il était comme Claude Debussy. C'était Vladimir de France. Alors évidemment, là-dessus est arrivé ce choc qui a été d'ailleurs cette chose qu'il n'a jamais comprise et jamais pu avaler quand on lui a fait savoir qu'il n'était plus professeur, qu'il n'appartenait plus à l'université française. Alors bon, il était sorti dans la botte de l'agrégation, je ne sais pas quoi, tout ça. Ça lui avait paru totalement inacceptable. Ça l'était d'ailleurs. Et à partir de là, en effet... est venu tout naturellement, je crois, le fait dont il n'a jamais pu... il a tourné toute sa vie autour de ça, de dire comment est-ce que quelqu'un qui est tellement semblable peut être à ce point différent ou différencié. Jean Kelevitch était de culture allemande. Son père était le traducteur notamment de Freud. Il a fait sa maîtrise et sa thèse sur Schelling. Et pourtant, il a voulu effacer de sa chair la langue allemande, comme le dit Robert Maggiori. Alors, bon, est-ce que c'est de la haine de soi, Frédéric Worms? Non, moi personnellement, je pense que c'est allé trop loin. Je pense qu'il faut insister sur le fait que... qu'au fond, tout est lié aux actes des nazis en tant que tels et tout est voué à mettre en évidence le caractère absolument singulier du crime commis par les nazis comme tel. Et je dirais, autour de cette singularité du crime, il y a en effet deux indécences, et dont une, en effet, n'est pas la haine de soi. Alors là, je crois que c'est justement ce que Jean Kelevitch n'éprouvait pas. Et la haine de soi, c'est souvent ce qu'on impute au juif honteux, celui qui, justement, ne s'assume pas comme tel. Au contraire, il y a une immense fierté. Non pas d'être soi pour être cette petite personne, etc., mais une immense fierté solidaire de toutes les victimes, et donc il n'y a absolument pas la haine de soi de la victime comme telle. Mais par contre, il y a une double indécence. Il y a l'indécence de tout ce que touche les nazis devient d'une certaine manière indécent. Et je crois qu'en effet, Schubert est avant tout, il souffre d'une sorte de tabou, de sacré, parce que il était associé par les nazis à leurs actes. Et là, c'est pas de la haine de soi, mais Jean Kelevitch s'interdit en effet quelque chose à quoi probablement il était extrêmement attaché. Et je crois que effectivement, il y a une sorte d'interdit qui porte sur soi, mais c'est presque de l'ordre du sacré plus qu'autre chose. Et je crois qu'on ne peut pas dire Schubert pousse plus au meurtre que Chopin, parce que on ne voit pas à ce moment-là pourquoi les... Pauvre Schubert. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais ce n'est pas ça que vous aviez dit de toute façon. Je crois que même Wagner, d'une certaine façon, la musique de Wagner elle-même n'est pas responsable des crimes nazis, certains textes de Wagner peut-être, mais c'est pas ça que voulait dire Jean Kelevitch. Ce qu'il veut dire, c'est d'une certaine manière, il y a quelque chose frappé d'interdit sacré. Et l'autre indécence, c'est pas l'indécence de ceux que les nazis ont touchés, c'est l'indécence de ceux qui ont touché au nazisme ou qui n'ont rien fait pour s'y opposer. Et là, je crois que derrière Merleau-Ponty et Sartre, c'est Heidegger avant tout, qui est frappé de cette indécence. Et avant tout le monde, avant les polémiques des 20 dernières années sur l'engagement nazi de Heidegger, Jean Kelevitch pointe avant tout cette sorte d'indécence. On devrait, d'une certaine manière, s'intéresser aux états d'âme de Monsieur Heidegger, dit-il, plutôt qu'aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'en effet, là, la question du pardon que Heidegger n'a pas demandé à Paul Celan, par exemple, quand le poète est allé le voir, cette question-là, cette question de l'indécence d'après-guerre, celle-là, elle a hanté Jean Kelevitch et elle le portait à l'excès, je crois, à une forme de violence, mais qui n'est pas de la haine de soi, qui est au contraire l'absolue solidarité et fierté. Et la haine de soi s'est retombée sans doute dans un complexe de la victime dont Jean Kelevitch, dont l'un des avantages de la position intenable pour tout autre que lui de Jean Kelevitch est de nous faire sortir. C'est justement, il nous fait sortir la haine de soi, moi je crois. Je ne veux pas dire que Schelling et Novalis sont responsables d'Auschwitz, mais la philosophie allemande n'est pas sans rapport avec le nazisme. Heidegger a été recteur sous le régime de Hitler et il a fait des discours abominables. Il est resté nazi et sa philosophie a été utilisée par les idéologues et les étudiants nazis. Dans un de ses discours, il a glorifié l'attaque allemande contre la Russie. En sortant de nos cavernes en 1945, nous ne savions plus où nous étions. La métaphysique de Heidegger fleurissait chez les garçons de café. Ce mélange de pédantisme insondable sur un ton péremptoire, doctoral et de férocité. Même la férocité est métaphysique chez les Allemands. On nous proposait des pensées de 4 sous drapées dans un galimatia grandiose qui nous rappelait le pédantisme des communiqués de la Wehrmacht. À propos de la haine de soi, effectivement, le terme est inapproprié. Par contre, il y a du dépit. Je pense qu'il était tellement engagé dans la culture allemande, pas seulement Schelling, le grand maître intellectuel de Jean Kelevitch, c'est Simmel. Oui, qui est juif. Oui, bien sûr, mais quand même, c'est la culture allemande. Il y a du dépit, à mon avis. Il y a une position politique par rapport à Heidegger. Mais on peut faire aussi le lien avec des thèmes de sa philosophie. Par exemple, le thème de l'innocence, c'est l'idée qu'il n'y a pas de pensée innocente. Et donc là, il faudra en effet relier ça, cet aspect de sa philosophie morale. Il y a des pages entières de son livre « Le pur et l'impur », par exemple, qui pourrait être également sollicité et commenté. Eh bien, Jean Kelevitch est un des rares philosophes à avoir attaqué la question même du concept de pureté. C'est sûrement pas un hasard, n'est-ce pas? Et il faut dire aussi que la notion de pureté était une notion centrale de l'idéologie nazie. Or, il ne préférait l'innocence à la pureté. Non, parce qu'il y a une idée, il y a une analyse très subtile, très complexe de la pureté chez Jean Kelevitch. Il y a une pureté, que dans mon langage rapidement je qualifierais d'idéologique et qu'il démonte avec un brio intellectuel extraordinaire, mais il y a aussi l'idée d'une pureté du cœur chez lui, n'est-ce pas, qui est tout entière dans l'intention, comme il le dit, de faire le bien, sa philosophie de l'amour, etc. Bon, même si l'amour est une vertu dangereuse dont il faut se méfier quand on en parle, comme la pitié ou d'autres du même genre, mais enfin, en tout cas, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et puis, ce que dit à demi-mot, enfin, c'est jamais très clair, Jean Kelevitch de la culture allemande, il faudrait aussi le dire, et on peut se dire qu'il ne l'ait pas dit, de la culture française. Parce que il faut quand même pas oublier que la défaite de 40 et ce qui est advenu après le régime de Vichy, c'est une conséquence d'une république qui a échoué. Et c'est aussi une conséquence de tout un pan de la culture française qui, elle, a provisoirement gagné. Donc, ça vous oblige peut-être aussi à nous interroger sur nous-mêmes. Des hommes comme Sartre, Merleau-Ponty, Raymond Aron aussi, sont des gens qui sont très marqués par la philosophie allemande, la phénoménologie, de Husserl, prolongée dans une certaine mesure par le sinistre Heidegger. Raymond Aron, bon, c'est la sociologie allemande. Jean Kelevitch, pas tellement, et autant des gens comme Sartre et Merleau-Ponty ont été influencés par Bergson, mais récusent cet héritage, et en quelque sorte, le récusant disent non, notre inspiration vient d'Allemagne. Au contraire, Jean Kelevitch, lui, est resté absolument, ouvertement, fidèlement, fidèle à l'héritage de Bergson musicalement, et donc bien avant la guerre, et il fait partie de la réaction anti-wagnérienne, qui est notamment celle de Claude Debussy. Alors à part ça, il est vrai qu'il avait beaucoup de sympathie pour le romantisme allemand, et il s'est même posé des questions. Est-ce que ce romantisme, par son goût de l'obscur, ne veut pas favoriser des choses politiquement suspectes? Question qui, moi, me paraît finalement assez théorique. Il n'avait pas spécialement de goût pour Hegel, dont son père avait été le traducteur. Il fait crédit à Nietzsche, et ça, il a toujours été fidèle à cette ligne en disant, bon, au fond, sa position, c'est Nietzsche n'aurait pas été nazi. Bon, il dit quand même dans l'imprescriptible que la pensée de Nietzsche n'est pas étrangère au nazisme, ce qui est un procès d'intention d'une injustice totale à mes yeux, mais je crois que ça il peut s'y se dire. Réfère dans le traité des vertus, c'est étonnant. ça peut se dire, il y a des éléments chez Nietzsche qui sont ambigus, je crois que... Bah, bon, c'est un débat, bon, là écoutez, la superbe brute blonde et tout ça, enfin bon, il y a quand même des conneries chez Nietzsche, il faut quand même bien le dire. Bon, à part ça, moi je me souviens d'une lettre, moi j'étais donc un jeune homme à l'époque, où, sachant que j'étais un cancre, il emploie le mot Weltanschauung, Et il me met en dessous mot allemand qui signifie conception du monde, ce qui veut prouver à quel point il estimait mes capacités. Mais enfin, quand on dit qu'il voulait pas supporter un mot d'allemand, moi j'ai une preuve, j'ai une lettre, je pourrais la sortir. Alors je crois que bon, Schelling il l'a jamais renié. Alors je crois qu'il a été au fond maladroit parce que il a voulu avoir une attitude provocatrice qui incite à la réflexion sur quelque chose, pour prendre la mesure de quelque chose et plutôt pour en prendre la démesure. Et finalement, bon, ben, le résultat qu'il a eu, c'est dans le genre « Tonton Vladimir n'aime pas les Allemands ». Là, il a raté son opération, mais je me souviens qu'on avait fait une émission avec Bernard Pivot. Bernard Pivot lui dit « Alors, comme ça, vous ne recevriez pas un étudiant allemand ». Et Jean Kelevitch, mais un peu par provocation, dit « Ben non ». Or, quelques temps après, il y a un étudiant allemand qui s'est présenté en disant « Monsieur Jean Kelevitch, eh bien écoutez, moi, modeste étudiant allemand, mais je viens vous présenter les excuses de l'Allemagne ». Mais Jean Kelevitch est tombé dans les bras, il a dit « Ah ben voilà ce que j'attendais depuis des années ». Il avait salué aussi le geste de Willy Brandt. Qui bien entendu, agité, bon. Mais... Et en même temps, bon, il n'a jamais nié qu'il y avait une résistance allemande. Tenez, j'ai le texte là. Il y avait des démocrates allemands dans les camps, et nous saluons bien bas cette élite perdue dans la majorité des autres. Bon, je m'arrête là, bon. Il a toujours resté très lié avec son ami Pierre Grappin, germaniste, et c'est même Pierre Grappin qui a prononcé son éloge funèbre à Châtenay-Malabry. Pierre Grappin, donc par Jean Kelevitch finalement, et par Grappin que moi j'ai fait faire la traduction d'un ouvrage fondamental sur la résistance allemande. Mais alors à part ça, bon bah oui, Jean Kelevitch, c'est pas à peine de parler de haine de soi parce qu'il n'est pas allemand. Il est russe, il est français. Il est très profondément grec par sa culture. Bah, il est juif. Et alors, c'est vrai que bon, il n'a pas une estime folle pour les Allemands. Et alors là, j'ai un texte là qui est amusant, où il explique quand même que ce qu'il y a, s'il y a quelque chose de bien dans l'Allemagne, c'est ce qui vient des juifs. La nation allemande qui leur fait tant de mal, leur doit le moussant et le pétillant dont elle était par nature si désespérément privée. Ce sont les Juifs, c'est l'humour de Henri Heine, ce sont les scherzos de Mendelssohn qui ont sauvé du gâtisme et du crétinisme provincial ce peuple si pesant. Moi, ça me fait rire, et je dois dire que, par exemple, un homme comme Cioran disait à peu près la même chose. Oui, mais enfin, il dit quand même qu'un peuple débonnaire ait pu devenir ce peuple d'enragés, voilà, qui mérite réflexion. Enfin... Ben c'est vrai. Je vois pas en quoi Jean Kelevitch peut être identifié à quelqu'un absolument pétri de culture germanique, c'est pas vrai. C'est un intellectuel occidental et plutôt tenté d'ailleurs vers les horizons méditerranéens. Et alors en plus, non, aussi là où je réagis vivement, c'est que haine de soi, c'est un petit peu ce qu'on dit des juifs. Alors s'il y a un juif qui pour moi est authentique, c'est Jean Kelevitch. Moi la question que je veux vous poser tout simplement à tous les trois, c'est est-ce que Jean Kelevitch, quelle que soit l'interprétation qu'on donne de son rapport à l'Allemagne, et à lui-même, ou à une partie de lui-même, même si c'est pas François-Georges la plus importante, est-ce que Jean Kelevitch cesse d'être le philosophe qu'on connaît et dont on parle quand il parle de l'Allemagne, ou est-ce qu'au contraire, il l'est plus que jamais? Bref, est-ce que son rapport à l'Allemagne est une faille dans sa pensée, ou est-ce qu'il est déterminant? Je crois que c'est une question très importante parce qu'elle rejaillit sur sa philosophie de l'identité ou de, comme il dit plutôt, de l'ipséité, ce que c'est qu'être soi. Et il dit notamment à propos de la condition juive que le propre du juif c'est d'être toujours autre que lui-même et que le judaïsme n'est pas une identité close, nationale comme les autres, mais porte en elle un ferment d'inquiétude, d'altérité qui justement la rend insupportable. Et on a l'impression que, évidemment, ce qu'il reproche non seulement aux Allemands mais aux nazis, et non seulement aux nazis mais à tout antisémitisme, c'est de figer l'identité juive en une sorte de caractère qui vous mène directement, que vous ayez 2 ans ou 95 ans, que vous soyez né dans l'île de Crète ou dans les confins de la Russie, qui vous mène au même destin tragique. Et donc il se permet, je dirais, par une sorte de méchanceté minimale face au mal radical, par une sorte d'exaspération presque métaphysique et mystique, il se permet de figer l'allemand dans son identité. Et je crois que c'est un geste qui contredit tellement sa philosophie. Il ne peut pas ne pas avoir été conscient que les Allemands, notamment cet étudiant qui est venu le voir, il y a eu aussi une correspondance avec une autre étudiante allemande désespérée par cette accusation métaphysique de culpabilité. C'est un geste qui contredit sa propre philosophie et qui met en jeu un acte qui est hors norme, comme il met en jeu aussi, il fait dépasser, il fait sortir de ses gonds le temps, l'imprescriptible. Il fait sortir de ses gonds le pardon, l'impardonnable. Il y a quelque chose en Jean Kalevitch qui sort de ses gonds, une sorte de colère mystique, il me semble, mais qui contredit profondément. Moi, je crois qu'il faut assumer cette contradiction, puisque précisément, il est un philosophe de l'ipséité. On n'est jamais responsable que de ses actes, on est dans l'altérité. Mais là, il y a quelque chose qui se retourne contre le coupable, et une faute dont il ne sera jamais entièrement lavé, comme les mains de Macbeth ne seront jamais lavées de ce sang. Alors évidemment, le problème, on dira, mais l'étudiant allemand né après-guerre, il n'a pas ce sang, pas plus que Mozart, sur les mains. Il le sait bien. Et pourtant, je crois qu'il y a quelque chose en lui. Il tient bon sur une position que personne d'autre que lui ne peut tenir, qu'il ne présente pas comme un exemple. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'allait pas interrompre les gens qui jouaient Schubert. Mais en même temps, je crois qu'il fallait sans doute peut-être que quelqu'un tienne cette position, qui n'est justement pas celle de la victime et de la haine de soi, qui est une réponse à la haine de l'autre par un geste qui lui montrerait ce que serait une haine anti-germanique. Il faut la prendre presque au virtuel. Il ne l'assume pas. Mais voilà ce qu'on pourrait vous répondre, vous qui n'avez pas seulement fait une guerre militaire, mais une œuvre de haine, comme il dit. Oui, je pense exactement comme Frédéric Worms, qui est plus jeune que moi d'ailleurs, mais nous avons affaire à des Allemands qui sont nés après la guerre. Lui, il avait affaire à des contemporains qui, s'ils n'étaient pas dans la Wehrmacht, ils étaient dans la SS. Bon, alors, donc, il les considérait, pour ainsi dire, avec méfiance. Bon, d'autant plus que effectivement, il n'y a pas eu de geste. Il y a eu Willy Brandt, mais assez tardivement. Bon, mais il n'y a pas eu de geste vraiment symbolique venant de l'Allemagne. La résistance allemande a été étouffée, on a très peu parlé. Bon, et alors il y a l'exemple catastrophique de Heidegger, qui même donc ne répond pas à Paul Celan. Voilà. Bon, mais en même temps, il y a de quoi être furibard. Quand vous voyez Shoah, par exemple, de Claude Lanzmann, eh ben la réaction normale, c'est d'être hors de soi. Bon, ben alors on se dit, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ben évidemment, on va pas s'en prendre aux Allemands d'aujourd'hui. Et il n'empêche qu'il y a de quoi vraiment, pour le moins, être en colère. Alain Le Guyader. Je crois que dans sa position, il y a aussi un positionnement philosophique, au sens où il y a une volonté publique de maintenir ouvertes des questions qui risquaient de ne pas être posées. Et ça, je pense que c'est délibérément assumé. Et ça, c'est une position morale. Accorder le pardon suppose que quelqu'un demande pardon. On n'accorde pas le pardon à quelqu'un qui ne demande pas pardon. Donc, Jean Morel. La notion de pardon est toujours en rapport avec la notion de don chez lui. C'est-à-dire, le pardon est un don, mais ce don n'a de sens que dans la mesure où il suppose une réciprocité ou une possibilité d'ouverture. Ça n'a de sens que dans la mesure où ça ouvre une pluralité. Le pardon ne peut pas être en quelque sorte la solution d'une histoire ou une manière d'effacer ou une manière d'oublier. L'imprescriptible, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier et qui sont en un certain sens impardonnables. Donner ou pas le pardon ne relève pas de calcul rationnel. Le pardon, c'est pas une excuse quand même. L'excuse, comme le dit le mot lui-même, vous voyez, vous êtes en cause, vous êtes dans le procès, et ensuite il faut que vous donniez des arguments qui vous tirent du procès, qui vous excusent. Vous voyez, quand l'anglais apologie, to apologize, dit la même chose, il y a logos dedans. Donc pour s'excuser, il faut donner des raisons. Les Allemands peuvent demander à être excusés, demander des raisons, donner plutôt des raisons pour qu'on les excuse. Vous voyez l'absurde de la chose. Donc il n'y a que le pardon qui compte. Et le pardon, c'est un don. Par conséquent, ça ne relève pas du calcul. On le donne ou pas. Et Jean Kalevitch disait de manière extrêmement forte, je crois, il disait « je ne peux pas pardonner ». Il ne disait pas « c'est bien ce que je fais, c'est mal ce que je fais ». Il disait « je ne peux pas pardonner ». « C'est ma misère », disait-il, « c'est ma misère ». « Je ne suis pas misérable, mais je suis miséreux ». « Je suis miséreux parce que je n'arrive pas à aller au bout et donc à donner le pardon ». Et Jean Kalevitch, d'un côté, théorise, si je puis dire, avec beaucoup de chair, comme il le fait toujours, avec beaucoup d'amour, c'est le cas de le dire, cette nécessité qu'a l'amour d'être total et absolu, et cette impossibilité qu'il avait de l'appliquer au pardon. Donc il le vivait comme une déchirure, Je suis malheureux, je suis miséreux, disait-il toujours. Je n'arrive pas, effectivement, à accorder ce pardon. Et oui, le pardon ne peut pas être sollicité. On ne peut pas lui dire, ah ben c'est pas gentil, faites un effort. Oui, ça ne dépend pas d'une posologie de sentiment. C'est quelque chose d'aussi absolu, précisément. C'est la pointe extrême, Jean Kelevitch disait, oui, j'ai encore tous ces termes dans la tête. La fine pointe finistère de l'amour. La fine pointe, c'est-à-dire vraiment l'endroit le plus éloigné, le plus absolu de l'amour, c'est le pardon. Et cette pointe, cet acoumène, précisément, il n'arrivait pas à l'atteindre dans le rapport qu'il avait avec l'Holocauste. Ou bien le pardon n'a pas de sens, ou bien il consiste précisément à pardonner au mal, c'est-à-dire à ce qui est inexcusable et sans circonstances atténuantes. Il est fait pour cela. C'est son métier de pardon. À l'impardonnable infini, pardon infini. Tel est le miracle. Si le mal était excusable, s'il y avait des circonstances atténuantes, donc si le mal n'était pas le mal, le pardon serait superflu. L'indulgence fondée en raison suffirait. Le pardon ne prend toute sa signification rédemptrice que si nous le ressentons comme un acte incompréhensible, irrationnel et douloureusement injuste. Car il est de l'essence du pardon d'être scandaleux. Et ce scandale tient à sa fonction surnaturelle. Mais en même temps, le mal reprend toujours le dessus. Le mal est plus fort que le pardon en raison du caractère incurable, insaisissable et infini de la méchanceté. Alors que faire ? Pardonner ou maudire ? Par définition même, il n'y a pas pour nous de solution au dilemme tragique, comme il n'y a pas d'issue à la situation d'un amour sans réciprocité. Si un acte met en question l'humanité, c'est contraire à la définition même de l'humanité que de pardonner à ceux qui nient l'humanité. C'est contradictoire. C'est plus que contradictoire, si vous voulez, ça ne relève pas simplement de la logique, de la contradiction, ça relève de l'invivable, de l'impossibilité même d'affirmer l'homme. Si on est un homme, on affirme l'humanité, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est qu'affirmer l'humanité ? C'est affirmer le respect de la liberté, de la singularité de l'homme. Bon, si dans l'effectivité on met en question ce principe, alors ça n'a plus de sens, on est dans l'absurde, on est dans l'innommable. Le pardon, c'est un don qui traverse tout, qui ne demande pas « dites-moi pourquoi je dois vous pardonner ». Le pardon est une opération d'une chirurgie expérimentale extraordinaire, parce que ça consiste à prendre tout le mal que l'autre a fait, à le prendre en soi, pour le digérer, le mastiquer et le transformer en bien. Dans l'exergue de l'imprescriptible, Vladimir Jankélévitch cite Paul Éluard, il dit « Il n'y a pas de salut sur la terre tant qu'on peut pardonner aux bourreaux ». Et c'est vrai que Jankélévitch élabore une théorie du pardon qui est tout à fait singulière, puisqu'il la présente comme une alternative insoluble. Soit le pardon n'a pas de sens, soit il consiste précisément à pardonner à ce qui n'est pas pardonnable. Autrement dit, le pardon est essentiellement scandaleux. Est-ce que Jankélévitch aurait eu ce discours sur le pardon si le pardon aux Allemands ne lui avait pas semblé un second crime contre l'humanité ? Attention, il y a une question morale, mais une question politique. Alors on pardonne et puis et s'y recommence alors. Je crois quand même que cette colère de Jankélévitch, qui n'est pas seulement la sienne, a abouti à un certain progrès, justement cette notion d'imprescriptible et de crime contre l'humanité. Et ça c'est du concret quand même, enfin relativement. Alain Le Guillet. Oui. En ce qui concerne la question du pardon comme attitude morale et en même temps comme thème philosophique, il me semble que c'est lié à la question de la reconnaissance. Le crime contre l'humanité signifie au fond que les monstres, comme ils les appellent, se mettent eux-mêmes en dehors de l'humanité. Et pardonner, c'est en quelque sorte réintroduire les monstres dans l'humanité. Et refuser de pardonner, c'est aussi maintenir ouverte la possibilité d'être exclu ou mis en dehors, non pas d'ailleurs pour ceux auxquels on ne pardonne pas, mais pour la communauté des citoyens et des contemporains avec lesquels on vit, avec lesquels on coexiste, n'est-ce pas ? Et ça a une vertu, là, je pense, pédagogique et éducative. Alors, il y a un enjeu juridique, politique et moral. Le pardon est d'ordre moral, mais il est lié en même temps au juridique et au politique, parce que si on commence par pardonner, il n'y a plus d'imprescriptible et donc il n'y a plus de jugement possible. Et la position de Jean Kelevitch par rapport à la question du pardon est directement liée aussi à la possibilité de rendre imprescriptibles des crimes donc qui ne seraient pas jugés. Or, ce n'est que quand la justice s'est prononcée qu'éventuellement le pardon peut avoir un sens. Première chose. Et deuxième chose, c'est le rapport donc aux contemporains là. Mais la deuxième chose, c'est le rapport aux morts. Quand il parle du pardon, c'est toujours aussi en référence à ceux qui sont morts, et s'adressant aux bourreaux, il leur dit que seuls ceux qui ont souffert peuvent pardonner, qu'on n'a pas le droit de se substituer à ceux qui sont morts, et donc que de ce point de vue-là, le pardon est impossible. La fidélité aux morts, c'est de maintenir l'impossibilité du pardon. C'est-à-dire que le revers du crime, c'est l'impossibilité d'être à jamais pardonné. C'est ce que Robert Maggiore appelle la grande déchirure. Frédéric Worms. Pour certains crimes bien particuliers, il doit y avoir de l'imprescriptible et, d'une certaine manière emporté par son élan, de l'impardonnable. Et on a l'impression que quand il en vient à l'impardonnable, il découvre la profondeur morale du crime nazi qui le fait sortir de sa propre philosophie morale, car il est mieux placé que quiconque pour savoir que parler d'impardonnable est justement au-delà même du miracle du pardon qui pardonne l'impardonnable, car Jean Kelevitch dit effectivement on ne peut pardonner que l'impardonnable, et Derrida est celui sans doute qui a repris dans son débat avec Ricoeur à la fin de l'année 1999 cette position de Jean Kelevitch disant justement il n'y a que l'impardonnable qui puisse être pardonné. Mais justement, non seulement Jean Kelevitch dit il n'y a que l'impardonnable qui puisse être pardonné, mais on ne pardonne pas, on ne peut pas pardonner l'impardonnable. Donc il est dans la double profondeur morale de savoir qu'au fond seul l'impardonnable peut être pardonné et qu'au fond seul le pardon peut faire disparaître d'une certaine façon de la conscience morale de l'humanité, non pas la tâche d'Auschwitz, mais d'une certaine manière permettre d'aller plus loin. Et pourtant il le refuse. Le vrai mystère au fond, c'est que reconnaissant que seul le pardon peut nous sauver de l'impardonnable, il le refuse. Et ce refus, je crois, garde encore toute sa pointe, toute son acuité aujourd'hui, et il doit être médité. Est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Maggiore quand il dit le pardon, ou plus exactement quand Jean Kelevitch dit de lui-même qu'il est miséreux, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de pardonner. Il dit on pourrait pardonner en définitive, mais je ne peux pas pardonner. Bien sûr. Vous dites on, mais peut-être que Jean Kelevitch, en somme, finalement, en tout cela, ne parlait que pour lui-même. Est-ce que cette philosophie n'est pas d'abord celle de la confession d'un individu ? Les seuls à pouvoir pardonner seraient en effet soit les petits-enfants assassinés, soit Dieu. Et n'étant ni l'un ni l'autre, nous ne sommes pas dans la position ontologique de pardonner. Mais même si le criminel venait demander pardon, même si on pouvait donner sa chance morale à celui qui voudrait dépasser ses propres actes et surtout aller au-delà dans une sorte de reconnaissance de l'irrévocable, mais aussi dans un souci de continuation de l'histoire, Jean Kelevitch le refuse. François Georges. Il y a aussi une question de prévention. Après tout, tout ça peut se reproduire. En général, les gens qui ont été staliniens disent on s'est trompé. Vous n'entendrez pratiquement jamais ce genre de confession chez les gens d'extrême droite. Je ne comprends pas bien dans la juxtaposition de ces propos, enfin dans la parole de Jean Morel et celle de Robert Maggiore, comment on peut dire à la fois qu'accorder le pardon suppose qu'on le demande. De la même façon, d'ailleurs, que Jean Kelevitch dit qu'il n'y a pas de solution à un amour sans réciprocité. Donc, accorder le pardon suppose qu'on le demande. Et en même temps, Robert Maggiore disant « le pardon ne relève pas du calcul ». Frédéric Worms. Oui, sur la question « le pardon est-il à la fois hors de toute économie de l'échange ?» au-delà du don, enfin, et de ce qui est rendu, et dans l'échange, puisqu'il y a demande. Il faut qu'il y ait demande de pardon et réciprocité. Je crois que Jean Kelevitch est très clair dès son livre sur le pardon, c'est-à-dire la demande de pardon est elle-même déjà au-delà de toute demande, elle sort du jeu de l'offre et de la demande. C'est une demande qui déjà est un supplément, elle ne demande pas juste une peine, un châtiment. En demandant pardon, je demande déjà un supplément, comme dirait Derrida au sens métaphysique du terme, quelque chose qui n'est déjà plus de l'ordre de l'économie. Je ne demande pas pardon au sens où je demande une réparation quantifiable, je demande une absolution, je demande quelque chose qui est déjà de l'absolu. Mais de même, évidemment, la réponse à cette demande n'est plus une offre de service, du style j'ai une certaine quantité de pardon à offrir, et puis au-delà d'un certain nombre de coupables, j'en ai plus. Non, le pardon sort de l'économie, et il n'y a plus de réciprocité simple, de symétrie entre la demande et la réponse. Il y a quelque chose aussi dans cette réflexion qui est de l'ordre du fait, tout simplement, de l'ordre de la brutalité du fait et de sa répétition possible. C'est-à-dire, dans certains crimes qui sont tellement immenses, l'immensité du fait même nous fait sortir encore de cet au-delà de l'économie. Il y a encore un au-delà de cet au-delà, qui est l'au-delà du fait absolument criminel qu'est ce crime. Et je crois que Paul Ricoeur a raison, par exemple, quand dans la fin de La mémoire, l'histoire, l'oubli, il dit à propos de Jankélévitch que pour lui, le crime contre l'humanité est un impardonnable de fait. De fait, cela veut dire en fonction de la nature précise de ce crime, et non pas en fonction d'une sorte d'absolu juridique. Il n'y a pas une catégorie juridique ou métajuridique ou que sais-je, de l'impardonnable qui pourrait être dans un code pénal. Est impardonnable tout crime qui ? Non, il y a un seuil qui est un seuil, au fond, qui devrait être inscrit, en effet, dans les codes moraux de l'humanité, et est un seuil qu'on devrait observer de manière vigilante dans les relations des peuples entre eux. Oui. Et qui existe, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle, en droit, le noyau dur des droits de l'homme, et qui permettent de qualifier précisément ces crimes-là. Oui. Je pensais aux gens qui, en France, ont aidé à la diffusion de l'œuvre de Solzhenitsyn il y a une trentaine d'années. Et bien souvent, c'était d'anciens staliniens qui disait mais c'est horrible, on s'est trompé, et tous ces anticommunistes qui avaient bien raison de l'être des pays de l'Est, on leur a tiré dans le dos. Eh bien, on leur demande pardon, et puis bon, ben, maintenant, on essaie de faire progresser la conscience publique sur toutes ces affaires. Voilà donc un contre-exemple. Parmi les grandes formules qui émaillent le texte intitulé « Pardonner », il y a la fameuse formule « Le pardon est mort dans les camps de la mort ». Mais il y a une autre formule qui renverse la célèbre formule des évangiles et qui est d'une violence terrible quand il dit « Ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font ». Quand il dit ça, je crois que là, il y a lui qui est porté vers cette sorte d'imperceptible lueur, cette sorte d'étincelle mystique. Je crois que là, il y a quand même, en tout cas, lui en tant que philosophe, là, doit renoncer à cette espérance-là. Pour lui, et peut-être qu'il ne faut pas renoncer à toute espérance. Le texte se termine aussi en disant « Bien des printemps se mûrissent encore dans les arbres ». Mais enfin... Autre aspect, oui, je crois qu'il faut voir aussi que ces textes et ces prises de position de Jankélévitch n'appartiennent pas au passé. C'est-à-dire que s'ils nous occupent encore pas mal aujourd'hui, c'est pas seulement en raison du contexte historique et de ces événements tragiques. Ils gardent également une force d'interpellation et de pensée pour les tragédies qu'on a vécues ou qu'on continue de vivre, en tout cas de l'extérieur, plus ou moins spectateur ou plus ou moins engagé. Par exemple, quand on voit les commissions réconciliation se mettre en place en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en un certain sens également les tentatives qui vont en ce sens autour du Rwanda, du Burundi, de l'ex-Yougoslavie, etc., il y a de quoi s'inquiéter, je dirais, d'une espèce de forclusion du crime. Et relire les textes de Jankélévitch, c'est peut-être aussi les relire et les transmettre comme un avertissement. C'est-à-dire qu'il y a de l'inexpiable quelque part. Et que on ne peut pas fonder une démocratie sur la forclusion du crime, comme l'ont pensé au tout début les promoteurs des réconciliations nationales en Amérique du Sud, puisque c'est là que ça a commencé. Et je crois qu'il y a une profonde actualité philosophique, intellectuelle, politique de ces textes qui sont, au sens fort du terme, oui, des textes de circonstance, mais aussi des textes exemplaires. Pour Jankélévitch, l'existence juive n'est pas distincte de l'existence en général. Je pense qu'il y a chez lui quelque chose qui est difficile à dire, c'est que il dit à la fois l'histoire, le monte de manière atroce. Il dit à la fois que la destinée juive est une destinée tout à fait singulière, incomparable, mais en même temps que cette destinée fait exemple pour toute existence. Je crois qu'il y a chez lui une pensée de l'universalité de la condition de l'exil et du nomadisme et de l'oppression qui n'exclut pas du tout, bien évidemment, un souci particulier porté à la situation juive, surtout dans l'histoire moderne, mais qui ouvre toujours l'expérience juive sur l'expérience en général de l'homme. Il y a chez lui une pensée très profonde, un respect très profond de la situation atroce et incomparable de la victime juive, mais en même temps, il y a ce souci de considérer que la condition juive est l'exemple même de la condition humaine. Nous voulons ressembler à tous les autres, nous assimiler, entrer dans le troupeau pour nous y perdre et nous y fondre. Sentiment délicieux d'anonymat et de disparition qui existe plus ou moins chez tout homme et qui est une forme du désir de néant, qui est peut-être une des variantes de ce désir de néant vécu dans la plénitude vitale. Mais nous avons aussi le désir de préserver en nous la différence périlleuse dont nous sommes porteurs. Nous voulons ressembler à tout le monde et sauvegarder cette dangereuse originalité qui est la nôtre et en laquelle réside peut-être notre dignité. Désirer à la fois être le même et un autre, ce sont là des traits universellement humains. Tout homme est d'abord lui-même et devient perpétuellement autre par le devenir qu'il altère. Mais chez le juif, ce n'est pas seulement le devenir commun à tous les hommes qui fait du même un autre. C'est le même qui, au même moment, désire à la fois être le même que les autres et un autre que tous les autres, et s'absorbe en même temps dans cette double quête. Il y a chez Jankélévitch quelque chose qui est très fort et qui est lié tout simplement à sa destinée même, une pensée nomade de l'existence et de l'exil. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort chez lui, une pensée de la dispersion et une pensée de l'exil comme condition même de l'homme en général. Jankélévitch pose le paradoxe de la condition juive. Il parlait d'ailleurs lui-même plus volontiers d'existence juive. Paradoxe donc qui va de ce désir de ressembler, de s'assimiler, de ce désir, dit-il, d'anonymat, désir de néant, le mot est très fort, et en même temps cette volonté de préservation d'une différence périlleuse dont les juifs sont porteurs. Désirer en somme être à la fois le même et un autre. Est-ce que ce paradoxe du judaïsme vous semble compréhensible selon l'expression d'une singularité exemplaire ? Frédéric Worms. Moi, ce que je trouve très beau, c'est cette position est effectivement très forte parce qu'elle elle décrit à la fois très bien la condition concrète de celui qui est juif et autre chose, y compris d'ailleurs, dit-il, israélien, hein, puisqu'il y a une altérité même et il n'y aura jamais recouvrement total entre l'être israélien et l'être juif. Il décrit très bien donc une condition concrète et une condition métaphysique. Et je crois que pour comprendre la profondeur de la chose, il faut l'opposer aux deux grandes interprétations métaphysiques contemporaines de l'être juif, qui sont celles de Sartre et de Lévinas. Au fond, pour Sartre, quand même, on est toujours l'autre quand on est juif. C'est l'autre, quand vous montrant du doigt, qui vous assigne cette identité-là. Et comme toute identité, au fond, elle est métaphysiquement fausse. On n'est pas plus ceci ou cela, pour Sartre, que juif ou français, ou l'être s'échappe toujours dans sa liberté absolue. C'est vrai pour Jankélévitch, mais il y a quand même quelque chose de plus dans l'être juif qui justement incarne cette liberté métaphysique. Et inversement, pour Lévinas, il faut assumer une sorte quand même d'origine juive dans le judaïsme biblique, où l'autre est avant tout le sujet de l'éthique, ou plutôt l'infini qui transcende et qui révèle l'éthique. Et je crois que là aussi, il y a cette position chez Jankélévitch. Mais d'une certaine manière, qu'il s'agisse d'une liberté vide ou d'un autre absolu qui se révélerait dans la tradition biblique, je crois que la position de Jankélévitch est plus, à la fois plus mince. Il ne pratique pas la religion, il n'est pas non plus la victime de l'horreur. Et elle est plus mince, elle est juste dans cette épithète qu'on lui a accolée, qu'il entend dans le bus. Comment se fait-il qu'après tout ça, on entende encore dans le tramway, dit-il, sale juif. Il dit en l'an 3000, Quand les gens reviendront d'une excursion, d'un pique-nique dans la planète Mars, on entendra encore « sale juif ». Et donc, il me semble que c'est beaucoup plus mince. C'est juste ce signifiant, on pourrait dire, impalpable, dans lequel il voit une sorte à la fois de résistance métaphysique et de violence possible pour y résister. Et je crois qu'à lui aussi, comme Derrida l'a fait à propos de Lévinas, on pourrait dire qu'il y a violence et métaphysique vont ensemble. Mais c'est très mince, c'est très fin, c'est très impalpable. Il refuse d'être assigné et par l'antisémite et par la tradition talmudique. C'est un esprit individuel libre et c'est assez admirable, je trouve. Il y a une chose que vraiment, à mon avis, mérite d'être citée dans un de ses textes sur la condition juive. C'est une complication de son être qui l'empêche d'être intégralement, je veux dire, à 100% français ou russe, ou même israélien. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait écho à ce que vous disiez. J'aime beaucoup ce « ou même israélien ». Un mot quand même, puisqu'on parle d'existence juive de Jankélévitch et de son rapport au judaïsme. En effet, ce sont deux choses très, très différentes. Et là, la différence est double avec Lévinas, qui était un élève de Heidegger et qui est évidemment un lecteur et commentateur du Talmud. Or, ce judaïsme-là n'apparaît jamais dans les textes de Jankélévitch, qui est plutôt un lecteur des pères de l'Église, des théologiens, aussi de l'Ancien Testament, bien sûr, mais pas du tout dans une perspective juive. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la philosophie de Jankélévitch, on a l'impression qu'il ne cesse jamais de s'expliquer avec cette tradition biblique, mais dans une perspective chrétienne qui pourrait être, au fond, assez proche de la trajectoire intellectuelle de Bergson. La tendance de Bergson, comme c'était le cas de d'autres comme Edith Schein, etc., c'était de se convertir au christianisme. Oui, en même temps, juste si je peux me permettre deux mots à propos de Bergson. Le premier, c'est qu'effectivement, Bergson ne s'est pas converti, mais se serait converti, dit-il, s'il n'avait pas vu venir les vagues de persécution. Mmh. Et parce qu'effectivement, sa conversion aurait été interprétée comme un abandon, alors qu'elle était à ses yeux aussi un achèvement, comme il dit, un accomplissement. Donc il ne concevait pas le christianisme en dehors de l'accomplissement du judaïsme. Mmh. Mais l'autre chose à laquelle je pense, c'est que il y a un statut très particulier du judaïsme dans les deux sources de la morale et de la religion, où au fond, Bergson, en 1932, où toutes les religions de l'histoire de l'humanité apparaissent comme des anticipations de la mystique chrétienne. Sauf le judaïsme, qui est la seule à être traitée juste après l'apparition du Christ, et où il dit, bien sûr, il y eut les prophètes juifs, mais qui, eux, vivaient avant tout d'une protestation pour la justice. Et il met à part cette protestation pour la justice. Et moi, il me semble qu'au-delà de la mystique chrétienne, qu'effectivement Jankélévitch reprend à Bergson, à Fénelon, à des grands mystiques de l'histoire chrétienne, il reste cette colère pour la justice. Et là, il est assez bergsonien jusque dans cette sorte de marginalité et d'exception que Bergson, lui, n'a jamais reprise. Parce que les discours de guerre de Bergson ne sont ni chrétiens ni juifs. Ils sont très nationalistes quand même, il faut le reconnaître. Et autant la morale des deux sources, la morale et la religion, est vraiment une morale ouverte, autant celle de Jankélévitch mêle aussi cette sorte de colère qui résiste à l'amour. Oui, dire, même la colère qui résiste à l'amour, c'est Isaïe qui résiste à Jésus, c'est d'une certaine manière, c'est les prophètes qui résistent à l'évangile. On pourrait presque le dire comme ça en termes bergsoniens. François Georges. Jankélévitch, et donc c'est peut-être par son éducation et donc du fait de l'influence de son père. On ne peut pas dire que ce soit un tempérament religieux. Et quand il parle de religion, il est très tenté d'ironiser. Je vais citer deux petits exemples. Comment il lui plaisait de plaisanter sur l'Ancien Testament, notamment le premier chapitre. Adam n'a pas eu le choix entre la pomme et la poire. Ou encore, Ève, elle n'est pas très intelligente, elle croit ce que lui dit un serpent. Alors, est-ce que Jankélévitch est également celui qui a théorisé, véritablement mis en évidence, une différence qui lui semble tout à fait essentielle entre le racisme et l'antisémitisme, qu'il pose comme une spécificité tout à fait irréductible en l'occurrence, puisque l'antisémitisme, c'est la haine de soi, et le racisme, c'est la haine de l'autre, selon Jankélévitch. Le juif, c'est le frère ennemi. Alors, je dirais plutôt la haine du presque-soi. La haine du presque-soi, oui. Du frère, de son semblable. Du semblable dissemblable. Une petite différence, parce qu'effectivement, bon, comme disait Sartre, je me baladais avec un copain dans l'Allemagne nazie, il était juif et personne ne le remarquait. Bon, ça a quelque chose de choquant de dire que le racisme et l'antisémitisme sont radicalement différents. Ce qu'il ne dit pas non plus. Non. Différents. Et en même temps, alors ça nous pose un double problème, et en même temps c'est vrai. Alors il faut voir où c'est vrai. Je crois qu'il ne faut pas hypostasier cette différence. C'est que le racisme tel qu'il s'est exprimé idéologiquement de la façon la plus virulente, est lié à l'expérience du colonialisme, est lié à l'expérience de la domination des peuples du Sud. L'antisémitisme, lui, vient d'une tradition religieuse de l'antijudaïsme, relayée par un certain nombre de théories proprement modernes, biologisantes et autres. Et en même temps, il faut bien voir que ce qu'on a dénoncé tout d'abord comme racisme dans tel ou tel type de langage, ça a été l'antisémitisme. Le premier combat contre le racisme, c'est quand même l'affaire Dreyfus. Or, l'affaire Dreyfus, c'est quand même de l'antisémitisme. Donc, c'est quelque chose qui demande à être pensé avec beaucoup de finesse et surtout aujourd'hui dans le contexte où nous sommes, où vraiment c'est intellectuellement et politiquement explosif. Là encore, on devrait, par un souci pédagogique, reprendre ce type de texte et réanalyser effectivement ce qui est en jeu dans l'un et l'autre cas. Il y a une phrase de Jean Kelevitch, il dit « L'antisionisme est la trouvaille miraculeuse, oui. L'aubaine providentielle, oui, qui réconcilie la gauche anti-impérialiste et la droite antisémite. L'antisionisme donne la permission d'être démocratiquement antisémite. » Alors là, je voudrais dire une chose, hein, vraiment défendre Jean Kelevitch autant que je peux, c'est que... Pourquoi personne ne l'attaque ? Si, pas ici, mais ailleurs. Que sa défense d'Israël a toujours été réfléchie. Je me souviens de son désespoir au moment de Sabra et Shatila, un homme désespéré qui va manifester devant l'ambassade d'Israël quand il pense que Israël commet des choses, des exactions, qui signe avec Pierre Mendès France et Naum Goldman un texte où il dit et bien quoi qu'il en soit, il faut engager la négociation avec Arafat. Ça, il y a très très longtemps. Donc je voudrais pas hein, que là encore on le caricature. Et puis alors je vais dire une chose abominable, si vous permettez, c'est que nous devons Jean Kelevitch à l'antisémitisme. Car si Samuel Jean Kelevitch n'avait pas été victime en Russie du numerus clausus, il ne serait pas venu en France. C'est la bonne fortune de l'exil ou de l'errance. Non, moi je voudrais ajouter que d'abord effectivement les conséquences politiques qu'il en tire ne vont pas dans le sens d'une affiliation politique directe et tout sauf une identité, mais sa distinction du racisme et de l'antisémitisme a une fonction opératoire, je trouve, très forte, parce que comme le rappelait Alain Le Guyader d'ailleurs, elle est généralisable, c'est-à-dire l'antisémitisme c'est la plus petite différence avec sa connotation en plus religieuse, mais qui donne lieu au pire crime, c'est-à-dire à la volonté, à la haine qui conduit à la volonté du meurtre total et le refus, le déni de l'existence même. Alors que le racisme se base sur une différence massive, par exemple la couleur de peau ou les choses comme ça, mais aboutit à une domination politique. On n'a jamais entendu personne, sauf dans un projet délirant, alors où le racisme touche à l'essence d'antisémitisme, dire on va exterminer tous les Noirs, par exemple. Et je trouve qu'il y a quelque chose de généralisable quand on voit par exemple les Hutus et les Tutsis au Rwanda, qui sont ethniquement quasiment indifférenciables, mais où l'extermination passe par des différences symboliques, par des différences d'appartenance, la plus petite différence donne lieu au meurtre le plus massif. Et donc je crois que la distinction racisme-antisémitisme est essentielle pour comprendre la différence entre une domination interethnique et une volonté d'extermination. Et je crois qu'effectivement, on comprend l'indignation de Jean Kelevitch, non pas parce que Israël reproduit le nazisme. Il ne serait jamais allé jusqu'à cette accusation, je crois, non plus. Et elle a quelque chose toujours là d'antisémite, alors très profondément. Très profondément. Mais la volonté d'interdire à Israël, plus qu'à tout autre État, toute politique, à la fois antisémite et raciste, ça me paraît être dans l'essence même d'Israël. S'il y a un État pour qui c'est interdit, c'est celui-là. C'est qu'il y a quelque chose de profondément énigmatique dans le destin des Juifs, et il disait par exemple qu'un si petit État, dont la population est inférieure à celle de la ville de Paris, occupe une place morale si grande et que son apparition soit un des phénomènes les plus importants du XXe siècle. Voilà un sujet de perplexité, je suis bien d'accord avec lui, il se demande si le malheur n'est pas la substance de l'État d'Israël. Et puis alors il y a aussi quelque chose que je trouve très remarquable à la fin de ce texte, c'est qu'il oppose Israël visible et Israël invisible, et il dit... Béni soit Israël visible, qui a permis à un peuple humilié de vivre, etc. Et béni, et trois fois béni, soit Israël invisible, sans lequel Israël visible n'aurait pas de sens. Thank you. Pardon impossible, avec la voix de Vladimir Jankélévitch et avec François Georges, Frédéric Vamps, Alain Le Guyader, Jean Morel, Isabelle Jean, Robert Maggiori, Françoise Schwab et Jean-Pierre Renoir. Archive INA, Hervé Evano. Les textes sont lus par Isabelle Carré, Garance Clavel, Georges Kless. Le groupe de réalisation est de Marie-Christine Closet, Michel Mestre, Bernard Laniel et Jean-Michel Coqui. Une émission proposée par Raphaël Antoven. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 août 2003. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, suite et fin de la série. Un amour de morale.